One, two, three, five! Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. Going back in time on the sounds of the nation, it's a Caroline flashback. Ladies and gentlemen, c'est un spécial 1968 avec les Who. Magic Bus, en réalité ce titre a été enregistré, composé 2 ans auparavant, mais My Generation avait tellement eu de succès qu'ils ont attendu pour publier ce titre. C'est un morceau un peu à la Bo Diddley pour la rythmique, hein, avec beaucoup de percussions. En concert, ça déménageait fort. Je me rappelle de leur concert à la Fête de l'Huma en 1972. C'était un des morceaux de bravoure des Who. Magic Bus. Every day, just to drive to my baby. Threepence and sixpence each day, 'cause I drive my baby every way. Magic bus, magic bus. La douceur des mamas and papas, la voix ensorceleuse de Mama Cass, Dream a Little Dream of Me. Breezes seem to whisper, I love you.

Est-ce que vous vous rappelez de Iron Butterfly, leur morceau le plus connu, et Inagada Davida, un morceau de 17 minutes, c'était absolument révolutionnaire en 1968. Bon, je vais vous proposer la version single radio, qui est un peu plus courte. Voici donc Iron Butterfly, Inagada Davida. You know that I'm loving you in a God of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a God of Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Exactement, 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.